Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originaire », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Richard Feynman connaissait-il l'histoire de Philetas de Cos? Broadway, en 1972, un jeune physicien, Leonard Susskind, rencontre au West End Café un monument de la physique, Richard Phillips Feynman. Celui-là sera dans 7 ans professeur de physique théorique à l'université de Stanford. Celui-ci avait 7 ans plus tôt déjà reçu le prix Nobel. Mais pour l'heure, Susskind a une question à poser à son maître. Un trou noir peut-il, selon la physique quantique, se fragmenter en quelques trous noirs plus petits? Feynman répond que le sujet ne manque certes pas d'intérêt, mais il précise que les interactions entre gravité et physique quantique lui paraissent impossibles à appréhender. Il y a réfléchi des années plus tôt et ne compte pas recommencer. La sagesse, même en science, de ne pas se rendre malade en approfondissant vainement un sujet regardé à l'époque comme inextricable. Ce qui nous ramène 23 siècles en arrière, en pleine Grèce antique. Philetas de Cos, fils de Téléph et Euxion, est ce que l'on appellerait aujourd'hui un intellectuel. Né vers 340 avant Jésus-Christ, il est précepteur de Ptolémée II, ainsi que peut-être de sa sœur Arsinoé. Peu de détails sur sa vie nous sont connus, mais il semble qu'il aime par-dessus tout les énigmes, les paradoxes, ce qui en ferait un proche de l'école mégarique de philosophie, ainsi nommée en référence à son fondateur, Euclide de Mégare. Un des paradoxes très en vogue est celui du menteur, que l'on doit soit à Épiménide le Crétois, soit à Eubulide de Milet selon les sources. Le paradoxe du menteur peut se formuler ainsi. Quelqu'un vous dit « je mens ». Si c'est vrai, alors c'est faux, mais si c'est faux, alors c'est vrai. Certains y verront une simple récréation mathématique. D'autres, Kurt Gödel et Alfred Tarski par exemple, un outil de réflexion à l'appui de leur théorème. Mais pour Philetas de Cos, c'est bien davantage. Le paradoxe du menteur devient une véritable obsession, une préoccupation de tous les instants, à un point tel qu'il en perd le sommeil et l'appétit. Tel un Gollum du Seigneur des Anneaux, Philetas n'a plus qu'un rêve, celui de maîtriser, de dénouer, bref, de posséder son précieux, ce paradoxe du menteur. Mais pour rêver, il faut dormir, ce qu'il n'est plus capable de faire. Il veille de plus en plus longtemps et finit par mourir d'insomnie et ou d'épuisement et ou de malnutrition. On lui inventera l'épitaphe suivante « Je suis Philetas de Cos, c'est le menteur qui m'a fait mourir et les mauvaises nuits qu'il m'a causées ». Richard Feynman avait bien eu raison dans ce West End Café de Broadway. Ne pas se rendre malade à trop réfléchir en vain. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou.